Chapitre 2. Dès que fut abordé sur le tas de boue durcie connu sous le nom de Fort Independencia, le drapeau rouge et blanc qui annonçait les paquets, Reyes, qui demeurait en face du wharf, n'eut que 20 pas à faire pour sauter dans une lancha manœuvrée par deux rameurs plus vilains et plus jaunes que la jalousie. Mais chose étrange, au moment même où il courait au-devant du Patagone, venant de Panama et Escalas, avec un plein chargement de costumes tout frais, de journaux, de lingerie et de parfumerie, de bétail vivant ou cuisiné, de farine, de champagne, vermouth absinthe et de dames bienveillantes, l'obsession, repoussée mais tenace, d'un paysage de vieil archipel africain, brillant d'un soleil plus aimable que l'astre Inca, tissait autour de lui ses blonds, verts et lumineux fils. Il n'était pourtant pas sujet aux hallucinations, le Benigno Reyes, mais tandis qu'à sa droite et à sa gauche, devant lui et derrière lui, glissaient ou voletaient des luisances vivement mordorées sur les hideux flots couleur de purée de pois, le sol de sa vallée natale de la Orotava se substituait aux vagues. Et il n'avait plus du tout nolisé une barque, mais bien un carro, une charrette canarienne traînée par trois mules. Il se moquait bien de toutes les compagnies de navigation du monde entier, puisqu'il revenait d'une aparanda, une petite fête organisée entre amis dans la fonda de Carmen González, près du bourg de la Victoria. Il était charmant, ce petit hôtel de campagne niché dans Las Palmas canariennes trapues, aux peines drues et luisantes, avec son escalier extérieur tout en guirlandé de bégonias aux fleurs de corail ambré, couverte d'un toit léger, d'autres enredaderas lilas et blanches. Mais on y avait fait une noce plutôt médiocre, en dépit du malvasia de bonne qualité. Et lui, Benigno, âgé de 18 ans, entraîné là un peu contre son gré, s'était lugubrement ennuyé, poursuivi par l'image de Peparamos, qu'il ne pourrait sans doute pas voir ce jour-là, grâce à ses ivrognes de camarades. De plus, il avait la certitude de refaire, le soir même, connaissance avec la canne de son père, Caballeros de mœurs nobles et hypocrites, grand ennemi de ces petites expéditions. Mais l'air était si tiède, les calices blancs des bomberos d'Aturas exhalaient sur la route une douceur florale si paradisiaquement suave et comme gaie que Benigno se remettait peu à peu de ses inquiétudes, oubliant ses gredins de compagnons endormis au fond du carro comme de fâcheux cochinos qu'ils étaient. Qui savait, peut-être pourrait-on malgré tout arriver au puerto avant la disparition totale du soleil. Peut-être jouerait-il encore assez de lumière rose dans la rue de Martianes pour que demeurassent discernables les cruels yeux noirs, les frisettes châtaignes et les deux affriolants arcs rouges de la bouche de Pepa qui guettait de son postigo, partie inférieure mobile d'un volet, la mort du jour. Elle n'était pas sa novia, fiancée, cette Pepa. Elle semblait même ignorer absolument son existence, ayant déjà été courtisée par d'autres personnages qu'un fils d'infime bourgeois vaniteux. Elle avait, au bas mot, 2 ans de moins que lui, mais paraissait une vraie petite femme. Petite, pas de taille, hein. Tandis qu'on le considérait, lui, non sans quelque raison, comme un blanc bec. Il n'avait jamais parlé à la jolie fille et n'ignorait pas que, selon toute vraisemblance, elle n'était pas faite pour lui. Mais il aimait terriblement à se griser du sourire vague qu'elle ne lui adressait pas, du regard tendre et fier qui ne lui était pas destiné. Souvent, il avait osé passer en marchant très doucement tout près du postigo, sur le trottoir étroit qui longeait la maison de Pepa, et comme la belle Nina ne s'occupait guère de lui, perdu sans doute dans un songe où il était certes indigne de figurer, il avait pu la contempler presque à son aise. Elle avait un teint de roseté, de très clair roseté, à peine ambré, qu'avivait un peu de faible transparence incarnadine, un petit grain de beauté d'un velours très noir qui, placé auprès de la bouche, en faisait ressortir la fraîcheur et de sombres sourcils, une idée retombante, satinée et fournie, dont la courbe à la fois douce et autoritaire le troublait jusqu'au fond de l'âme. Et il ressentait de furibondes envies de lui parler, mais bien que le père Ramos fut peu estimé, car on prêtait à sa fortune les origines les moins honorables, il était certain que sa fille eût médiocrement été flattée des hommages d'un señorito d'élégance douteuse et d'avenir aléatoire. Oui, après tout, il n'était pas si tard et les mules marchaient bon train. Il y avait encore de l'espoir. Le soleil ne se coucherait pas avant 1h30 et l'on dépassait déjà la farola. Des maisonnettes blanches ou jaunâtres filaient sur le côté de la route dont l'autre bord dominait de plus en plus de 200 mètres l'océan bleu pailleté d'éclats de topaze. Là-haut, sur la montagne rougeâtre et rousse, s'étageaient des palmiers, des vignes, des petits bois sombres de lauriers et de bressos. En bas, quelques voiles neigeuses mouchetaient l'eau éclatante. Au loin, de longues et hautes crêtes de l'île de la Palma s'estompaient d'indigo sur l'horizon clair. À un coude de la grande route, toute la vallée de la Orotava apparut comme une immense coupe à moitié pleine d'une mousse verte de végétation veloutée, d'où émergeaient les deux noires montañatas volcaniques de Chaves et de Las Arenas. La première piquetée de grains de chaux qui étaient des villages, des ruisseaux et des bassins miroitaient dans la verdure où s'éparpillait un semis de petites maisons multicolores pareilles à des touffes de fleurs. Sur une pente glissaient les boulis crayeux des maisons de la villa, dépassant les puissants éperons et les cimes de la Sierras sombre, le pic de Teide semblait une énorme tente brune et fauve frottée de poudre d'or et jussée en plein ciel. Du parapet de la route à la plage lointaine, fluaient, roulaient, paraissaient bondir comme des torrents d'émeraudes les masses vertes et luisantes des plantations de bananiers nains. Mais comme on allait vite, c'était déjà le ramal, le croisement des routes, de la villa et tout de suite après la palmita, une grande quinta, maison de campagne, aux frais revêtements de bois ajourés, perdus dans les colorants massifs diaprés et chantants de volières. La carretera maintenant avait l'air d'une large allée de parc toute bordée de géraniums rouges, poussant à l'état sauvage, d'hibiscus à calice sanglants comme des gueules de fabuleux serpents, d'où seraient sortis de minces dards en chenilles jaunes soyeuses, de cobocas bleu pâle, d'arbustes résineux à fleurs violettes, de flamboyants de feu et de pourpre, sous la voûte mouvante de grands eucalyptus. L'hôtel Tahoro, sur sa colline ondante de montueux et profonds jardins, montrait ses toits de tuiles corallines entre les frondaisons séveuses, frissonnantes de vie. Et après avoir descendu les Cabezas, quartier haut du Puerto de la Orotava, dont ils reconnaissaient l'une après l'autre toutes les cases, avec la physionomie que leur donnaient leurs fenêtres, leurs récrépissements, leurs moindres lézardes, Benigno se trouvait en plein port, dans la rue de Martianes, rose de soleil couchant, en face de la maison de Pepa Ramos. Tout avait défilé devant lui comme dans un poliorama. Mais Pepa n'était pas seule. Un grand garçon, prétentieusement vêtu, bagué comme un hindou, appuyé sur un gros jonc souple qui décrivait un arc, campé dans une pose qu'il jugeait avantageuse, une épaule remontée, une hanche ressortie, la main libre posée sur cette hanche et le bras en anse d'amphore, faisait le joli cœur devant la fenêtre. La jeune fille lui disait quelques mots en lui désignant Benigno. L'élégant se retournait, toisait le nouveau venu et partait d'un éclat de rire auquel répondait le rire perlé de Pepa. Un rire méchant, féroce et délicieusement musical qui déchirait le cœur de l'infortuné Reyes en même temps qu'il lui brisait les bras et les jambes, lui laissant tout juste la force de se retirer à très petits pas de vieillard accablé, alors qu'il eût voulu bondir à la gorge de l'insolent, ou tout au moins s'enfuir. Vite, vite, et loin. Pour échapper à jamais au regard des deux abominables moqueurs dont il ne pourrait plus, il le sentait, vous le croyez bien, rencontrer les yeux sans mourir à moitié de honte et de fureur. De fureur entrée, car l'odieux fantoche qui venait de lui faire une inoubliable injure était un Pesemeyer Buena Finca. Rejetons de l'omnipotent banquier créancier de toute la province des Canaries. Si l'offensé voulait voir à ses trousses la police des sept îles fortunées, il n'avait qu'à s'attaquer à celui-là. Cette scène, courte mais affreuse, tout en lui inspirant sur le moment une sorte de haine contre la séduisante Nina, lui révélait avec clarté ce qu'il n'avait fait que soupçonner jusque-là sans vouloir se l'avouer à lui-même. Non seulement il avait aimé cette Pepa d'un amour idéalisant, magnifiant, qui était depuis quelques mois le parfum et la poésie de son existence, mais encore, il la désirait, avec une sauvage envie de martyriser cette délicate chair d'intrigante orgueilleuse. Avant de venir admirer chaque jour devant la fenêtre son visage d'une exquise et barbare beauté, encadré par le postigo, il l'avait rencontré plusieurs fois la superbe fille dans des verbenas, fêtes locales. Son corps élancé, mais richement développé, aux formes finement plantureuses, moulées dans des robes justes et balancées par la marche ou la danse en un ménéo ultra sévillant. Maintenant, surtout, il était tenté du rêve de l'attaquer, de l'étreindre, de la faire crier, de la violer, de la souiller brutalement avec délice. Cette obsession, devenue trop forte, et peut-être aussi dangereuse par ses suites probables pour les siens que pour lui-même, l'avait, autant que la misère menaçante, déterminé à s'exiler. Mais que lui voulaient ces vieilles visions, vieilles de 22 ans, non pas oubliées mais atténuées, estompé d'ordinairement, au point qu'il n'apercevait, n'éprouvait plus rien que de confus en évoquant le passé. Il n'était jamais, certes, bien longtemps sans penser à ces îles, seule terre où l'on put, selon lui, jouir d'une vie normale et complète, mais généralement, il n'en revoyait pour ainsi dire qu'un tableau à la fois poétisé par la distance, bien entendu, mais aussi réduit à la condition d'image presque irréelle. Aujourd'hui, tout l'est de la vallée avait repassé sous ses yeux, avec le détail de ses vivantes végétations, son mouvement de carros cahotant, d'ânes et de mules aux cavaliers rustiques et déguenillés, de vieux mendiants, de fortes filles débraillées à foulards jaunes ou noirs, recouverts ou non de carnavalesques petits chapeaux de paille masculins dont les bords étroits se retroussaient, avec ses horizons ou ses talus, le relief et la couleur de sa route, les sourires ou les grimaces de ses maisons. Que signifiait encore cette reproduction minutieuse jusqu'à la sottise d'une scène dont il avait réussi depuis longtemps à chasser le souvenir, dont il s'était évertué à détruire en quelque sorte l'existence momentanée, dont il était aussi fantastiquement impossible d'attendre la réapparition qu'il eût été fou et imbécile de dire « Je vais tirer une jolie épreuve bien soignée de ce cliché photographique si consciencieusement pulvérisé par les talons de mes bottes. » Était-ce un présage? Et de quoi? Charmante absurdité. Benigno se reprit tout à fait et regarda l'heure à sa montre. Il y avait exactement 10 minutes qu'il s'était embarqué dans le canot de Gundemaro Caracoles avec la ferme résolution d'aller se refaire, après des jeunes de toutes espèces, à bord d'un bienheureux Patagone, encore invisible. En ces 600 secondes, il avait revécu en détail 3 ou 4 heures des plus cruellement décisives de sa vie. Cela devait pourtant avoir un sens. Un malheur l'attendait-il à bord? Ou alors, pourquoi ces choses l'assaillaient-elles, lui, un homme sans imagination? Et il avait de coutume un beau mépris pour les gens qui se font des idées. Qu'allait-il arriver, Jesús mi Dios? Rien du tout, brut. On mangeait si mal dans cette horreur de pays qu'au bout de 15 ans de régime, on pouvait bien avoir des vertiges par suite de débilité d'estomac, d'anémie. Sans aucun doute, il était trop content d'aller se lester légèrement et se divertir, et sa joie lui montait à la tête. L'un des indios, canotiers, tannés ou verdâtres, à tête de grenouille mourante ou de tortue hors d'âge, poussa un assez hideux grognement. « Mire usted, el vapor !»« Regardez, les vapeurs !» Et de fait, on apercevait, très loin sur l'eau, une espèce de minuscule bouchon noirci, planté d'allumettes charbonneuses, le tout surmonté d'une bouffée de fumée acre. Benigno éprouva la sensation d'un voyageur qui s'est approché du buffet après avoir roulé toute la nuit dans un train de chemin de fer. Bueno, bueno, on allait rire. Dès que l'oreille est un peu réconfortée, un petit déjeuner fin où il y aurait du vrai bœuf, des légumes indemnes du goût de fer blanc, du champagne de 9e marque et des ananas de Guayaquil ou de plus loin. Il allait un peu oublier la señora Pepa Ramos, en compagnie de quelques bonnes personnes moins nigaudes que cette fâcheuse pambèche et à coup sûr plus élégante d'après son esthétique de sud-américain. Oui, il la mettrait un peu à la porte de sa mémoire, cette Pepa, en compagnie de 2 autres du reste qui ne valaient guère mieux qu'elle. Et tandis que le steamer grossissait tout doucement, s'allongeait, prenait forme, il eut une nouvelle absence. « Oui, se dit-il, après cet effroyable début en amour, j'ai rencontré un certain nombre de femmes qui m'ont plus ou moins intéressé pour une raison ou pour une autre. Mais 2 seulement ont fait une assez profonde impression sur moi. » Et il songea d'abord à cette Rosa Huiracocha, qui avait naguère passé quelques mois à Toboadongo, mais avait abandonné la côte de Tarapaca, rebutée par la désolante tristesse de la bourgade chilienne et de ses alentours. Une robuste et superbe Chola d'Iquitos, professionnellement galante, un peu trop brune et massive, mais de formes admirablement moulées, d'une lasciveté presque comique à force d'être débordante. Benigno avait passé avec elle de trop rares heures d'ivresse charnelle que ne troublait jamais l'ombre d'un autre sentiment. Une splendide brute, ni plus ni moins, stupide, violente, saoule du reste 7 fois par semaine. Quel contraste s'il comparait cette magnifique sauvagesse à une autre femme qu'il aimait presque. Presque, oui. Et qu'il aimerait peut-être un jour tout à fait, en dépit d'il ne savait quelle inquiétude toujours éprouvée en sa présence. Celle-là, bien qu'elle appartînt à la même race que la Huiracocha, semblait sortie d'une autre planète. Une femme? Bien plutôt une petite idole, une statuette de vieil or où ne vivaient que des yeux très profonds. Elle venait de la haute vallée froide, mystérieuse et fleurie de Huasco, l'ancienne capitale de Chamahuacalpa. Il courait des histoires assez ridicules sur ses parents, de vieux indios de race presque pure, ratatinés au teint de tabac sec. Le père, toujours coiffé d'un énorme ripayrapa, Fumanama, on ne lui avait jamais vu retirer, les gamins du pays prétendaient qu'il dormait avec. Bougon, maussade, sournois, ne répondant à ses interlocuteurs que par des monosyllabes illustrées de terrifiantes grimaces. La mère, à la fois guenuche et perruche, criarde, insolente, combative, capable de guetter 8 jours de suite un enfant qui avait arrosé sa porte ou tiré sa sonnette, unique dans le pays, capable de guetter 8 jours de suite ce délinquant, à seule fin de l'assommer à coups de balai ou de lui verser de sa fenêtre sur la tête un seau d'eau glacée. Et le contenant suivait toujours le contenu, tant pis s'il y avait des bosses au métal ou au crâne. Il eût été fort raisonnable de conjecturer, d'après la simple mine du vieux séché, qu'il avait joué quelques vilains tours au tiroir-caisse de sa patrie et songé à temps que les frontières étaient faites pour être passées en cas de danger. Mais non, les habitants du littoral de Tarapacá n'aimaient pas des explications si naïves. Ils voulaient à toute force que ce bonhomme en pain d'épices et la vieille sorcière qui lui tenait ou lui avait tenu lieu de femme possédassent l'un et l'autre le droit absolu de s'enfoncer jusque sur les oreilles la couronne des fils du soleil. S'ils avaient jamais la chance invraisemblable de remettre la main sur cet objet somptuaire, une couronne vieille de 400 ans est très probablement fabriquée en plumes. Leur popularité, affirmait-on, avait inspiré au sieur Cayetano Borracho, président d'une république voisine et jadis intermittent général de division, une terreur de la force nominale ou effective de quelques 500 diables. Et selon les Toba Dongé, le potentat constitutionnel et militaire aux chamarrures à éclipse avait si vilainement traqué Don Prudencio et Doña Primitiva Malinka, s'était vengé de ses transes en les faisant, à tant de reprises, empoisonner à moitié ou fusiller aux trois quarts, que le couple boucané avait dû se réfugier à l'ombre du drapeau chilien plus ou moins solidement planté sur cette côte jadis péruvienne. Ils avaient amené avec eux leur fille, Soledad, dont ils avaient promis la main à l'empereur du Brésil, d'ailleurs marié, voire grand-père, mais cela ne faisait rien. Le jour où cette union sera célébrée, Borracho pouvait boutonner ses guêtres et prendre sa canne. On l'aurait assez vu dans sa capitale. Reyes, un peu mieux informé que la plupart de ses concitoyens, n'ignorait pas que Don Prudencio, riche mais peu dépensier, serait ravi de voir sa fille épouser un explorateur de Nîtres ou un co-signataire quelconque du moment que ce négociant de bonne composition et bien dans ses affaires consentirait à ne pas arracher la petite idole à la tendresse sentimentale de ses parents et à se charger de toutes les dépenses de la famille. Doña Primitiva lui avait même fait de très euphémiques et discrètes ouvertures à ce sujet. Mais Reyes demeurait hésitant. Il éprouvait pour Soledad, toute menue et fillette malgré ses 20 ans sonnés, une sorte d'affection très douce et très craintive, une sorte d'adoration nerveuse, que ne rassurait pas, bien au contraire, le sourire assez cruel de la petite et les flammes sombres de ses yeux, d'expression farouche en dépit de leur lustre velouté sous leurs cils d'un noir chaud et brillant. Le parfum subtil et intense qui émanait de tout l'être délicat de la menue indienne l'exaltait comme de tristesse héroïque et douloureusement suave. Il eût dit parfois qu'il était enivré d'elle, et pourtant il se croyait certain de l'aimer sans désir défini. Même il s'effrayait à l'idée que l'on pût la traiter comme une femme, la posséder. Une brutalité devait briser tout le charme de mystère de la fine créature, ne laisser à sa place qu'une jolie poupée salie. Il allait jusqu'à s'imaginer en d'imbécile rêverie qu'elle n'était pas de chair vraie, qu'elle n'existait qu'à l'état de symbole. Et il se disait qu'il avait toujours été le même triste amoureux bizarrement incomplet. Les femmes qu'il avait plus ou moins remuées, et la plupart ne s'étaient guère doutées qu'il lui fait la moindre attention à elles. Il avait dû, tête et cœur refroidis, sans se calmer, les diviser en deux espèces, fort distinctes. Les unes n'avaient parlé qu'à son imagination et à sa tendresse. Les autres, il s'était borné à les convoiter grossièrement, salement, telles ses propres expressions. Il n'eut jamais songé à obtenir des premières une privauté un peu significative. Quant aux femmes de la seconde catégorie, il ne voyait en elles que des femelles, belles ou non, qui l'attiraient de la façon la moins idéale. Tout disparaissait devant leur sexe et dépendance. Encore une de ces aimables façons de s'exprimer. Une seule demeurait en dehors de sa classification, Pepa. La Pepa d'antan, la méchante railleuse à laquelle il pardonnait maintenant. Pepa, sa Pepa, ah celle-là. Il eût voulu à ses pieds balbutier comme un enfant sous la blancheur des étoiles moins pures que tel rêve qu'elle inspirait. Mais tout de suite après, la prendre sauvagement avec furie, la dévorer d'abominables caresses. Il n'avait connu, ne connaîtrait jamais qu'un seul amour complet, Pépin. Mais brute, pensait-il, tu vas gâter par tes divagations baroques une belle journée de sainte joie animale. Elle est loin, ta fameuse Pépin, sans doute grosse comme une tour alors qu'il est, et comme une tour croulante encore. Elle a dû épouser il y a longtemps quelque agréable macaque de sang bleu, mais avarié, dont la laideur s'adoucit d'un joli reflet de million. C'est une de ces aristocratiques dondons qui se gavent de dulces et qui ont un faible pour le jerez et le malvoisi, et dorment après leur repas avec un gros chien puceux sur les genoux. Elle reçoit des visites de chanoines nonagénaires et de vieilles dames à mantilles, qui portent un petit crachoir à couvercle et une seringue dans leur ridicule. Deux fois par an, elle va jouir de la grande vie de Santa Cruz, voit au théâtre municipal une reprise de pièces du temps de Pélage et, à la plaza, une course de fantômes bovins brouillés avec les bouchers, revient au Puerto ou à la Villa de la Orotava dans une voiture à ressorts spéciaux et les chevaux en ont pour un mois à se remettre de l'avoir traîné aller et retour. Après cela, elle se purge et renouvelle sa provision de malvoisie. Mais encore une fois, que signifiait cette vision si claire, inquiétante de netteté, qui l'avait si fort troublée tout à l'heure? Cette réapparition trop lumineuse de toute la côte nord-ouest de Tenerife, non pas oubliée habituellement, mais en tout embrumée dans sa mémoire. D'ailleurs, voici que l'odieux passé allait disparaître, caché, barré par cette grosse coque noire qui s'avançait droite sur l'eau. Toute proche à présent, cette grosse masse d'une laideur un peu inquiétante, mais qui apportait de la joie sûre et facile. La barque de Benigno s'arrêta, stagna sur les lentes vagues huileuses, bientôt rejointe par une flottille de canots de gabarits variés, chargés d'une douzaine de blancs ou de métis clairs, redingotes, fourbis, adonisés, qui gourmandaient leurs rameurs en hurlant, pressés d'arriver. Il y avait même quelques botes d'indios, venus en curieux, tout réjouis, les bonnes âmes, à l'idée de voir bientôt monter à bord du Patagone de fortune immortelle qui allait s'amuser. Spectacle! Leur altruisme ne les empêchait peut-être pas de songer qu'ils pouvaient avoir quelques vagues chances de grimper à l'échelle eux aussi, dès que l'équipage manœuvrait les treuils pour débarquer les marchandises dans les chalands. Or, avec de la prudence et de l'agilité, on parvient souvent à faire sa jolie rafle sur un vapeur. Bien des petites choses traînent dans les coins. Il suffit de n'être pas trop myope. Ils attendaient donc placidement la minute favorable. Le lourd steamer fit une évolution qui le pencha un peu de côté de la flottille. Apparurent ses roufs de bois verni aux vitres joujoux, sa passerelle piétinée par les officiers galonnés, beau d'importance, et tout son pont d'un blanc rose, avec ses dromes et ses filins levés. Peu de passagers appuyaient sur la lisse. Tant pis. Il y avait de la passagère, et de la bonne espèce, dans le salon des premières et dans les cabines. Le Patagone, qui s'appelait le Tumacobamba, ainsi qu'en faisait foi son tableau arrière, il était fiel d'une charmante et paludéenne localité voisine de Guayaquil. Le Patagone éructa un tonitruant beuglement, agrémenté d'un énorme panache de fumée blanche qui s'irisa au soleil tropical. L'échelle de commandement s'abattit le long du bord, les canots se jetèrent sur la grosse proie d'une volée de rames, et Benigno ne fut pas le dernier à parvenir sur le pont de la gigantesque boutique flottante. Yo no sé por qué te adoro, viendo que tus ojos siempre fríos no se miran en los míos. Yo no sé por qué te amo y te idolatro así. Yo no sé por qué no.